Nous engendrâmes la nuit docile dans un métro parisien comme des amants. Quelqu'un t'a offensé te traitant d'indolente bourgeoise dans un monde de pauvreté. L'humidité de tes caresses passionnées aurait dû m'appartenir toujours à moi. Mais pour tes parents, tu fus une offrande, prêtresse vierge dépouillée. Pontagile, qui s'avéra une toile fragile, aussi fissurée qu'un baiser sans vie, si fragile que ce que tu me donnais était un bonheur noyé dans une étreinte incertaine. Notre idylle suscita des ouragans. Fille de roi, on te promit des royaumes. Et tu m'abandonnas aux vents et aux eaux, à la stérilité de mon sacrifice inutile. Trente agile, qui s'avéra une toile fragile, aussi fissurée qu'un baiser sans vie, si fragile que ce que tu me donnais était un bonheur noyé dans une étreinte incertaine. Trente agile, le vent est froid et ton corps rongé par le temps est un rocher dans une mer déchaînée où succombent les amants futurs.